C'est assez difficile à imaginer quand on y pense, mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques dizaines de milliers d'années seulement, sur Terre, plusieurs espèces humaines ont vécu au même moment. Il y avait les sapiens, notre espèce, mais aussi les néandertaliens, les dénisoviens et d'autres encore. Tous avaient leurs particularités, leurs caractéristiques physiques, mais ils étaient tous des êtres humains. Comment s'est passée la cohabitation entre ces hommes et ces femmes appartenant à des espèces différentes? Se sont-ils fait la guerre ou l'amour? Et pourquoi Homo sapiens a-t-il fini par se retrouver seul? Aujourd'hui, le survivant se porte bien. Notre espèce prospère à la surface du globe au détriment de beaucoup d'autres. Mais jusqu'à quand Homo sapiens saura-t-il s'adapter aux transformations environnementales de plus en plus radicales qu'il engendre? Le paléo-anthropologue Pascal Pic aborde ces questions dans un livre passionnant intitulé « Sapiens face à Sapiens » aux éditions Flammarion. Avec lui, cet après-midi, nous allons remonter le fil de l'histoire de l'humanité et nous interroger sur l'avenir de notre espèce. Et en toute fin d'émission, nous nous intéresserons aux serpents et aux nombreux mythes et légendes dont ils font l'objet avec une spécialiste des reptiles, Françoise Sercollet. France Inter. Synapse, Daniel Fievé. Le plus ancien spécimen de cette préhumanité, c'est ce squelette, la plus vieille dame du monde. Donc elle a un nom charmant, cette femme. Alors oui, il faut vous dire qu'elle s'appelle Lucie. En 4 mois, la petite cousine Lucie a eu 100 000 admirateurs. Lucie. Elle a 3 millions d'années et on peut la rencontrer au Musée de l'Homme à Paris. Lucie. Bonjour Pascal Pic. Bonjour Daniel Fievé. Nous commençons notre voyage à travers le temps et à travers l'histoire de la grande famille des hominidés avec une figure connue, celle de l'australopithèque Lucie. C'est parce qu'ils écoutaient cette chanson des Beatles en 1974 sur le chantier de fouilles en Éthiopie que les découvreurs de Lucie, dont faisait partie Yves Coppens, ont donné ce prénom à l'australopithèque qu'ils avaient mis au jour. Alors Pascal Pic, à l'époque, en 1974, vous étiez tout jeune, cette découverte vous avait marqué ? Eh bien, je suis passé à côté parce que je faisais mon service militaire. Vous voyez, là, on utilise beaucoup la bipédie, mais en rythme. Ouais. Non, c'est un peu plus tard. J'étais dans des études de physique théorique. D'un seul coup, je me passionne pour deux périodes, comme ça, en amateur. Hein. Les Néandertaliens, dont on va reparler certainement, et notamment Bernard van der Merch, qui était mon premier patron. Et puis Lucie, donc, des Australopithèques, et là, qui s'ouvrait sur l'Afrique. Je pensais m'orienter vers les méthodes de datation, donc carbone 14 est la plus connue, mais il y a plein de méthodes qui viennent de la physique. Et puis, grâce à mes deux premiers patrons, Bernard van der Merch et Yves Coppens, j'ai vraiment basculé dans la paléanthropologie et Lucie. Et... Oui, alors, qui était-elle, Lucie, dans la grande famille des hominidés? Un temps, on a pensé que c'était notre arrière-arrière-grand-mère. En fait, c'est plus compliqué que ça. Bah, en fait, on avait qu'elle. Ouais. Donc, on va pas aller chercher quelqu'un d'autre. On vous donne toujours le candidat le plus plausible dans l'état des connaissances disponibles. À l'époque, c'est Lucie. Mais déjà, 10 ans plus tard, au milieu des années 80, nous savions dans l'équipe d'Yves Coppens qu'il y avait déjà une diversité qui s'est confirmée après, notamment du temps des Australopithèques. Et comme l'avait très bien dit dans votre propos d'introduction, on s'attendait pas qu'à la fin des années 90, début 2000, donc c'est hier, nous aurions aussi une telle diversité pour les premiers hommes et les derniers hommes. C'est ça, parce que des Australopithèques, il y en a eu beaucoup d'espèces et au même moment en Afrique. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ces Australopithèques, c'est-à-dire de leur mode de vie, de leur intelligence? Alors ça, c'était mes travaux dans les années 90, où j'avais vraiment beaucoup travaillé sur les différentes espèces de singes et ce qu'on appelait la socio-écologie. Ça veut dire essayer de comprendre l'adaptation des espèces en fonction des contraintes de l'environnement, donc les pressions de prédation, par exemple, mais aussi les ressources, leur disponibilité, leur distribution. Et à partir de là, donc Lucie, on pense aujourd'hui, en comparaison avec les autres espèces les plus proches, comme les babouins d'ailleurs, que c'était des groupes multimâles, multifemelles. Une caractéristique de la lignée humaine, comme chez les chimpanzés, ça c'est une marque de famille, que contrairement à toutes les autres espèces de singes et de mammifères, les mâles restent ensemble toute leur vie et les femelles migrent à l'adolescence. Ouais. Change de groupe alors change que groupe. Les mâles restent... Ils restent ensemble, donc ça c'est une marque de famille. Maintenant on pense, puisqu'il y a une grande différence de taille entre les mâles et les femelles chez les australopithèques, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel, c'est la conséquence de l'intensité de la compétition entre les mâles. C'est pas pour taper sur les femelles. Quand il y a une très forte compétition intrasexuelle entre les mâles pour ou accaparer des femelles ou les empêcher les autres mâles d'accéder aux femelles, les mâles sont deux fois plus grands. Et là, c'est le cas aussi chez les Australopithèques. Donc on pense que le meilleur modèle aujourd'hui, en termes d'analogie, ce serait des mâles, comme les babouins madrias, qui ont plusieurs femelles, et quant à leur régime alimentaire, essentiellement végétariens, beaucoup de tubercules, qui sont très bonne qualité nutritive, mais par contre, les rhizomes, les bulbes, les racines, c'est très dur à mastiquer quand c'est cru, donc ils avaient des mâchoires, ces australopithèques, assez robustes, mais ils marchaient, ils grimpaient dans les arbres, et ils avaient des cerveaux développés. Ouais, on sait déjà quand même beaucoup de choses, sur ces hominidés qui ont vécu entre il y a 4 millions d'années et 2 millions d'années, et c'est l'une de ces lignées d'australopithèques qui a donné ensuite le genre Homo. Le genre Homo, mais alors là, franchement, aucun paléanthropologue n'est d'accord, c'est pas que nous ne sommes pas pertinents, mais les données sont compliquées. Il y a deux grandes régions où ça a pu émerger, l'Afrique de l'Est, bien sûr, et puis l'Afrique du Sud qu'on avait oublié pendant quelques années. Depuis 10 ans maintenant, il y a beaucoup de candidats fossiles qui se présentent là. Le problème, c'est qu'on parle d'évolution en mosaïque. Ça veut dire que longtemps on avait pensé que la bipédie, qui était de plus en plus performante, une anatomie plus humaine, des mâchoires plus réduites et un cerveau plus développé, que tout ça allait en même temps. Pas du tout. On a des espèces d'australopithèques qui marchent très bien, mais qu'on les fasse archaïques. D'autres, c'est l'inverse. Donc, tout ceci est l'expression d'une grande diversité, d'une richesse entre les espèces, mais qui nous complique la vie pour aller chercher quels sont le ou les candidats à l'origine des premiers hommes. Alors, il faut que nous oublions notre représentation assez linéaire nous avons apprise à l'école de l'évolution, avec un enchaînement de personnages qui se redressent progressivement pour arriver à la forme de l'Homo sapiens. De nombreuses lignées apparaissent, évoluent en parallèle. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'évolution buissonnante. D'ailleurs, le terme est d'Yves Coppens, et c'est bien cela qu'on a à faire. Et tous les enjeux aujourd'hui, c'est de savoir sur quelle partie de l'anatomie. Soyons clairs, le squelette locomoteur apporte beaucoup d'informations, mais beaucoup moins précis que tout ce qui est lié au caractère dentaire haute. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas l'ADN pour ces périodes, c'est trop ancien, c'est trop dégradé, il faut jamais dire jamais dans notre domaine. Mais par exemple, ce problème que nous avons avec les australopithèques et les premiers hommes, aujourd'hui est en train de s'éclaircir pour des périodes plus récentes, parce qu'évidemment l'apport de la paléogénétique nous aide beaucoup, en plus des os, des dents et des outils. Au fil des découvertes archéologiques, on découvre de nouvelles pièces du puzzle, et certaines pièces constituent de véritables casse-têtes pour les paléontologues, comme la découverte de ce fossile annoncé en 2015. Son nom, Homo naledi, un cousin éloigné de l'homme dont les ossements ont été découverts en Afrique du Sud. Son cerveau, à peine plus grand que celui d'un gorille, fait de lui un homme primitif, mais il a vécu il y a bien moins longtemps qu'on ne pourrait le penser. Il aurait même côtoyé le tout premier homme moderne, l'Homo sapiens. L'anatomie de l'Homo naledi peut laisser penser qu'il a plusieurs millions d'années, peut-être 2,5 millions d'années, peut-être plus. En fait, ces individus sont morts il y a 230 à 330 000 ans. Notre évolution a eu lieu en même temps que celle d'autres espèces d'hominidés. Jamais auparavant, nous n'avions réfléchi à l'évolution humaine de cette façon. Nous pensions que les premiers humains étaient invincibles, que nous avions évolué après avoir poussé dehors toutes les autres espèces. Nous pensions que l'histoire de notre évolution était simple, une évolution linéaire avec un cerveau et des comportements de plus en plus développés. L'apparition de l'Homo naledi en Afrique reste un mystère. Les scientifiques pensent qu'il pourrait descendre d'une espèce plus développée qui aurait progressivement évolué vers une forme primitive. Extrait d'un reportage de France 24, Pascal Pic. Il est emblématique, cet Homo naledi, parce que il rentre pas dans les cases, finalement. Ah, lui ou qui soit, il nous embête. Ouais, c'est ça. Alors, au moment de la découverte, et c'était dit dans le reportage, là, on aurait pensé que par l'anatomie de son thorax, ses jambes, d'accord, mais surtout le petit cerveau, ok, il collait très bien du côté de 2 millions d'années, 3 millions d'années, comme ça a été dit. On avait un australopithèque qui cavalait dans la savane, si je peux dire. Et puis voilà qu'on a vraiment eu des datations. Il a 300 000 ans. Alors là, il nous embête. Ça inverse le problème. Comment a-t-il pu résister avec l'expansion d'Homo sapiens? Donc, il semblerait que même au moment où Homo sapiens, notre espèce, émerge entre 500 000 ans et 300 000 ans en Afrique, qu'il y a eu d'autres espèces d'hommes, mais qui ont suivi une évolution radicalement différente, notamment pour la taille du cerveau. Alors, il n'y a encore pas très longtemps, se sont côtoyés sur Terre des espèces. Et on ne les connaît pas toutes, on s'en rend compte, puisqu'on a les vestiges dans notre ADN de ces espèces qu'on n'a pas encore trouvées. On sait qu'il manque des pièces du puzzle. Ces espèces, là on fait un bond dans le temps, on se retrouve avec Homo sapiens, l'homme de Néandertal, les Denisoviens. Eux, ce sont des êtres humains. Là, ça y est, on est dans l'humanité et elles cohabitent à la surface du globe. Absolument. Les vrais hommes, à mon sens. Enfin, Yves Coppens et moi ne sommes pas tout à fait d'accord. Enfin, il n'y a pas que Yves Coppens et moi, c'est des groupes de chercheurs, évidemment. Ce n'est pas une affaire personnelle. Moi, je pense que les vrais hommes, c'est vraiment les Homo erectus, qui apparaissent en Afrique vers 2 millions d'années. Ils ont une grande taille corporelle. Ils marchent quasiment comme nous, 2-3 détails près. Ils ont un cerveau assez développé. Et puis surtout, ils vont inventer un nouveau type d'évolution. Parce que le terme d'évolution est très mal choisi. Darwin n'en voulait pas d'ailleurs. En fait, nous coévoluons. Nous coévoluons avec les organismes vivants, surtout les micro-organismes qui sont autour de nous. Mais le genre homo a une caractéristique, le genre humain. C'est qu'il est très plastique d'un point de vue biologique, c'est-à-dire pour la physiologie, les fonctions de l'organisme, la morphologie qui est la taille et la forme, et les capacités cognitives. Et en inventant le feu et les techniques de cuisson, Homo erectus va inventer cette deuxième coévolution dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec le numérique, par exemple, qui est tout à fait originale. C'est comment notre biologie change avec aussi nos environnements techniques et culturels. Et à partir de là, c'est une nouvelle forme d'adaptabilité, ce qui fait que Homo erectus va très vite gagner en taille corporelle, en robustesse, en taille du cerveau. Et il y a un grand tronc commun, donc, qui très vite s'étend sur l'Afrique, qui va sortir. Et de ce tronc commun, sans qu'on sache trop bien ce qui se passe, pour les raisons évoquées tout à l'heure, on a des fossiles, mais on peut pas distinguer les espèces. À partir de 700 000 ans, 500 000 ans, on va vraiment se dessiner, d'une part, Homo sapiens, qui est en Afrique, Néandertal, qui est sur l'Europe et la Russie, une partie de la Sibérie, bien sûr, et également Denisova, qu'on connaît depuis maintenant quelques années que par la dette. Et ils sont tous humains parce que tous ont de gros cerveaux, marchent parfaitement bien, enterrent leurs morts, ont des parures. La parure, c'est vachement important. La cosmétique, c'est l'étymologie de cosmos. Ça veut dire que nous, les humains, nous changeons nos apparences en fonction de nos désirs, nos injonctions ou autres. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà dans le symbolique, ils sont déjà dans le langage, et donc tous sont aussi humains dans leurs différences. Comment ces différentes humanités vont-elles cohabiter? Pourquoi aujourd'hui ne reste-t-il plus que nous, les Homo sapiens? Et a-t-on une idée de la façon dont notre espèce pourrait évoluer? C'est ce que nous allons voir avec notre invité Pascal Pic dans la suite du Vent dans les synapses. La tension est palpable, il semblerait qu'un singe, a priori un babouin, à moins que ça ne soit un chimpanzé ou peut-être un orang-outan, soit sur le point d'acquérir la station debout. Jusqu'à présent, rien ne s'est encore passé. Pourquoi ils nous bassinent avec leur truc alors si ça se passe rien? Des cris en haut de cet arbre, hein, des bananes, des pots lancés en direction des journalistes présents sur place, mais il semble pour l'instant que ce ne soit qu'une fausse alerte. Très bien! I'm trying to run. I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. I'm afraid. But you live. Trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Singing revival, revival, revival song. c'était Revival, Gregory Porter. France Inter, du vent dans les synapses. Quand on a trouvé le crâne, on m'a appelé et je suis descendu dans le trou. Je me suis demandé si c'était le crâne d'un singe ou d'un homme. J'ai d'abord pensé que c'était celui d'un homme, mais plutôt celui d'un petit enfant à cause de la taille du crâne. Peut-être un enfant de 10 ans. Nous l'avons ramené à l'hôtel puis nettoyé. Je me suis rendu compte qu'il y avait toujours des dents, mais pas des dents d'enfant, des dents d'adulte, âgées d'environ 28-30 ans. Ce jour-là, nous étions 5 chercheurs très contents et surpris aussi par cette découverte qui continue de poser question aujourd'hui. La voix du paléontologue Paroukous Douaoué, décédé aujourd'hui. Il racontait donc la découverte qu'il a faite en 2003 des restes fossiles d'une espèce humaine jusqu'alors inconnue sur l'île de Flores, en Indonésie, dans la grotte de Liangboa. Que sait-on, Pascal Pic, de l'homme de Flores ? Alors, il est de très petite taille, il n'est pas plus grand que les australopithèques, il a un tout petit cerveau, mais indéniablement, au niveau du crâne, c'est un homo. Au niveau des dents aussi, mais il y a des petites particularités, parce qu'on s'aperçoit que quand des espèces régressent, parce que c'est vraiment le cas, eh bien, on voit revenir parfois quelques caractères donc primitifs, notamment au niveau des prémolaires. Et il nous montre une chose qui est très connue en biologie, en général du peuplement des îles, c'est que les petites espèces qui arrivent sur une île deviennent géantes, et les grandes espèces, c'est le cas des hommes, eh bien, deviennent naines, ce qu'on appelle le nanisme ou le gigantisme insulaire. Mmh. Et là, ce qui est quand même troublant, c'est que, contrairement au nanisme, vous savez, les nains ont des déformations, ils ne sont pas en proportion par rapport aux adultes dits normaux. Et là, en général, pour le nanisme, ce qui est le cas donc pour Flores insulaire, c'est en proportion, sauf les pieds. Parce que justement, nos amis anglo-saxons les appellent les hobbits, en référence évidemment au personnage du Seigneur des Anneaux. Et donc, le problème, c'est que on a plusieurs individus, là c'est clair, on a vraiment une population qui est datée assez récemment, autour de 20 000 ans, 30 000 ans, d'où la controverse à savoir si ce sont des sapiens ou des Denisoviens, parce que les Denisoviens étaient dans le coin, ouais, qui seraient retrouvés sur ces îles à la faveur des variations du niveau des mers. Mais ils naviguaient aussi, peut-être. Hein. Ouais, ils naviguaient. De toute façon, il a bien fallu y arriver, oui, sur bah, ces pour îles. Pour Luzon, c'est clair, ils ont pris des radeaux, ouais, ils ont pris des esquifs, on ne sait pas trop. Ouais. Luzon, c'est un autre, alors découvert encore, autre encore plus récemment, hein, il y a moins d'un an, ça a été annoncé, ouais. Et c'est sur une île, alors cette fois-ci, nous sommes aux Philippines, un peu dans le même coin, mais pas exactement, ouais. Et on peut commencer à imaginer que sur ces archipels indonésiens, philippins, en fait, se cache dans le sol un nombre bien plus important encore d'espèces humaines. Oui, parce qu'il y a une dynamique populationnelle, d'ailleurs, d'une manière générale, on va en reparler certainement, nous sommes assez bien documentés sur l'Afrique, l'Europe et le Proche-Orient. Et on a un petit peu délaissé, il y a les 20 dernières années, ce qui se passait en Extrême-Asie. Et là, on n'est pas au bout de nos surprises, parce qu'il y avait Néandertal dans le coin, Sapiens qui va arriver, les Denisoviens qui étaient là depuis plus longtemps, et à la faveur des changements climatiques, on est dans les aires glaciaires, eh bien, s'il fait froid, les populations descendent, mais le niveau des mers est plus bas, donc elles peuvent arriver sur les îles. Quand le niveau des mers remonte, sont ce qu'on appelle la dérive génétique. Donc, les changements morphologiques peuvent être très rapides en raison de la plasticité que j'évoquais. C'est... Et là, ça en fait deux, mais il y en a certainement d'autres. Hein. C'est-à-dire, hein, si je vous suis bien, que quand le niveau des océans diminue, les espèces se déplacent, l'eau des océans remonte, les espèces se retrouvent piégées sur des petites îles, et là, l'évolution se fait indépendamment sur chaque île, avec de nouvelles espèces qui apparaissent. Voilà, par dérive génétique, absolument. Ouais. Et puis, quand on rentre à nouveau en contact avec d'autres espèces, ce qui va être le cas avec Sapiens, mais, ou Denisova, d'ailleurs possible, eh ben, elles disparaissent. Ça, c'est une règle, malheureusement, qui est empirique, mais qui n'est pas en la faveur des populations insulaires. Donc, elles dérivent, elles évoluent très vite. Et quand on retombe en contact avec leur population ancestrale ou celles qui ont dérivé de leur ancêtre commun, en général, elles disparaissent. Pourquoi ? Parce que le niveau de compétition dans les systèmes écologiques continentaux, semi-continentaux, sont beaucoup plus intenses que ceux des îles, et ceux des îles ne résistent pas en général. Alors il y a tout un pan de l'histoire de l'humanité à découvrir dans ces îles de l'Asie du Sud-Est. Les choses sont un peu plus documentées et plus claires sur ce qui s'est passé sur le sol européen. D'abord, avant Homo sapiens, c'est Néandertal qui s'installe en Europe. Ah ben il est super bien installé lui. Donc c'est tout un groupe qu'on appelle, pardon pour le terme, Homo Heidelbergensis. Ça, vous le caserez pas au Scrabble, celui-là. Et donc, c'est un groupe de commodité, on connaît pas la diversité. Et de ce tronc commun vont émerger au nord de la Méditerranée, donc les Néandertaliens, au sud, nous les Sapiens, et puis les Denisoviens. En gros, vers 1 million d'années, il y a toute une branche sur l'Eurasie qui se sépare de notre branche à nous, les Sapiens en Afrique, qui ensuite va se scinder en deux. Sur la partie occidentale, les Néandertaliens, sur la partie orientale, les Denisoviens, et nous sommes cantonnés au sud. Et ces espèces se rencontrent, notamment au Proche-Orient. Il y a des échanges génétiques et culturels, mais attendez, la cohabitation va durer de 50 000 à 100 000 ans, en tout cas, la fréquentation. Et qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, alors que si nous pouvions remonter dans le temps et nous mettre au Proche-Orient il y a 50 000 ans, aucun de nous ne pourrait dire quelle est la suite de l'histoire, parce qu'ils ont des niveaux d'adaptation qui sont à peu près identiques. Mais la grande découverte, et ça nous amène à changer notre regard sur la définition de l'espèce. On pensait qu'une espèce était bien installée et que les populations de l'espèce à la périphérie ne participent pas beaucoup au patrimoine génétique et à l'adaptabilité. Et on est en train de s'apercevoir que c'est exactement l'inverse, que les populations périphériques ont des caractères génétiques des fois un petit peu différents, même souvent, de l'ensemble de l'espèce, mais qui peuvent échanger des gènes. Il y a une trentaine de caractères génétiques que nous avons, nous, les sapiens hérités de Néandertal, qui certains sont liés à la peau claire, les cheveux roux et blonds, d'autres qui sont liés malheureusement à l'obésité et au diabète de type 2. Donc, certaines de nos pathologies actuelles ou certains de nos caractères avantageux sont hérités de ces gènes que nous avons eu, notamment ça dans le corridor de la mer Noire, une partie du Proche-Orient. Alors, ça dit clairement, ces échanges de gènes entre espèces humaines différentes, ça dit clairement qu'il y a eu des rapports sexuels, que ces hommes et ces femmes qui n'appartenaient pas à la même espèce se sont reproduits. Mais de façon plus générale, comment il faut imaginer cette époque où sur Terre cohabitent des espèces qui quand même d'apparence sont un peu différentes, n'ont pas exactement, on imagine, la même intelligence, la même cognition, la même culture. Comment tout ça se passe à la surface du globe ? Faut imaginer une civilisation assez avancée où des clans font des alliances, interagissent entre eux, ils s'ignorent la plupart du temps superbement. Qu'est-ce qu'on sait de ça ? Non, il devait avoir des modes d'occupation des territoires qui fait que pendant les périodes favorables, ils se réunissent et puis là, on échange des biens, on échange des outils, des techniques, des pots, on met en place des accords, on échange des femmes, excusez-moi, c'est pas de la marchandise, mais c'est que ça fonctionne comme ça, on échange des femmes entre les groupes, il y a des négociations entre les clans, et puis quand arrivent les périodes moins favorables, comme les hivers, dans les hémisphères nord, bah, les groupes se dispersent à nouveau, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Alors, les cas de mort violente, il y en a très peu, ça veut pas dire que c'était un monde à la Rousseau, mais le fait qu'on ait des gènes, aussi, il y avait des amours. Ouais. On sait aussi qu'il y a eu des transferts de technologies, notamment des l'Issoire, qui sont des côtes de bovidés, donc de roc en l'occurrence, qui servent à lisser les peaux. C'est certainement Néandertal qui nous l'a donné. Donc il y avait des échanges, mais en fait, les plus anciennes traces de sépulture, c'est chez Néandertal, il y a 400 000 ans d'Espagne. Donc, c'était le cas aussi chez nous en Afrique, mais on a moins de données. Ça veut dire que tous partageaient certainement des visions du monde, des conceptions, avec des processus d'acculturation. On peut parler de civilisation de la préhistoire ? Moi, je parle d'empire néandertalien, d'empire denisovien et d'empire sapiens, parce qu'en effet, ce sont des civilisations avec des récits, ils ont de la cosmétique, ils ont déjà des rapports à l'art, et puis franchement, le nombre de tombes que l'on a pour Néandertal, moins pour Sapiens, c'est quand même aujourd'hui 80 à une centaine, donc c'est pas anecdotique, et ça veut dire qu'il y a des cérémonies. Il y avait aussi de l'empathie, c'est un cas célèbre qu'on connaît depuis 30 ans, à Shanidar, donc un site néandertalien, c'est en Irak, où là il y a une petite nécropole néandertalienne, et il y avait deux hommes qui étaient handicapés de naissance, qui ont vécu dans le groupe jusqu'à 30 ans, 40 ans, ce qui était pas mal. Donc voilà, alors c'est pas le monde de Rousseau, il y avait aussi des tensions, il y avait aussi des conflits certainement, mais voilà, c'est tout à fait humain, avec toute la panoplie qu'on connaît aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on sait de la démographie de ces différentes espèces humaines ? On est combien à ce moment-là sur Terre ? Alors, on essaye de l'estimer, ça c'est grâce à la paléogénétique, c'était quand même de l'ordre d'un petit million, je pense, pour les Néandertaliens. Denisova, on ne sait pas trop. Sapiens, évidemment, va connaître une expansion, mais on est sur une Terre où il y a peut-être 3 à 4 millions, toutes espèces confondues, mais qui sont extrêmement mobiles. Les hommes ont une bipédie d'une incroyable endurance, ils peuvent faire 40-50 km par jour, 60, tous se rencontraient, et on a la circulation aussi, vraiment, on parle de civilisation, d'objets, alors ça c'est un peu plus tard, mais par exemple les fameuses Vénus, ça vient de Sibérie, alors ça a été repensé récemment, mais on a la circulation sur des milliers de kilomètres d'objets qui sont prisés ou de matière. Alors dans cette humanité déjà très civilisée, on l'entend, à quel moment Homo sapiens se retrouve seul. Il va être l'artisan de cette solitude. En définitive, les sapiens dits archaïques, c'est pas gentil, mais ils sont plus anciens. Donc ceux qui émergent vers 400 000 ans, 300 000 ans d'Afrique, jusqu'à, pour faire simple, 120 000 ans, 100 000 ans. Les Néandertaliens et les Denisoviens, tout le monde se rend compte, mais personne ne prend le pas sur l'autre. Et puis voici l'homme moderne, qu'on appelle sapiens sapiens, j'aime pas trop le terme, mais donc l'homme dans sa version moderne, c'est-à-dire vous et moi, tous ceux qui sont sur la Terre aujourd'hui, donc nos ancêtres immédiats. Et là, il est très clair qu'il y a un changement cognitif. C'est-à-dire que l'art existait déjà, les représentations artistiques, la cosmétique existait, mais là, ça explose sous toutes ses formes. En plus de ça, des sites d'Afrique du Sud, Blombos, Pinnacle Point, etc., nous montrent qu'ils avaient déjà une économie très avancée pour l'exploitation des ressources du littoral et qu'ils savaient naviguer au moins par cabotage. Et ces peuples vont bouger très vite. Et là, ça veut dire que c'est pas une question technique. Ça veut dire qu'ils ont des représentations du monde qui les amènent à se lancer dans des projets vers l'inconnu absolu qui vont entamer une aventure comme jamais, même chez les autres humains. Alors ça, on va y revenir, hein, à ce grand voyageur qu'est Homo sapiens sapiens. Mais pourquoi Néandertal et Denisova et tous les autres qu'on a évoqués, Flores, les archaïques, ouais. Pourquoi disparaissent? C'est une question d'économie. C'est-à-dire que il y a de nouveaux objets, de nouvelles capacités à exploiter plus en profondeur et en diversité les écosystèmes. Mmh. Ils ont les armes de jet et petit à petit, on le voit bien, la préhistoire le documente assez bien pour l'Europe, pour Denisova, on n'a pas assez de données, mais c'est certainement le même processus, où là, donc, à partir de 40 000 ans, les populations sapiennes modernes, c'est-à-dire nous, commencent à arriver sur l'Europe, notamment au nord de la Méditerranée et par les grandes plaines plus au nord. Et petit à petit, on voit que les sites néandertaliens reculent devant l'implantation des sapiens. Et les sapiens finissent par occuper tous les territoires les plus favorables. Mmh. Et les derniers refuges néandertaliens, c'est des régions de montagne moyenne. Le sud de l'Espagne, c'est une partie des Pyrénées. Le massif central, Morvan-Charente. Le Jura Swab, le Piémont italien et le talon de l'Italie. Et on sait que survivre dans les régions de montagne moyenne, c'est plus difficile. Et là, évidemment, c'est malheureusement l'extinction qui se profile assez rapidement. Homo sapiens finit par prendre toute la place. Alors, saura-t-il s'adapter aux transformations environnementales de plus en plus radicales qu'il engendre? Et à l'avenir, comment notre espèce pourrait-elle évoluer? Nous allons en parler avec vous, Pascal Pic, dans un instant. Je suis sapiens. Je suis sapiens. Je suis sapiens. Je suis sapiens. Je suis sapiens. Je suis sapiens. Je suis sapiens. Je suis sapiens. Je suis sapiens. Je suis sapiens. Nous sommes tous sapiens. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis, qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal, parfois, parfois. Pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Tout ce qu'on veut dans la vie. C'était tout ce qu'on veut dans la vie, Louis Chédid. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Encore un peu d'antilope ? Dit Père en souriant. Je goûterais plutôt de l'éléphant, merci. Mais je ne crois pas, pour ça, que tu me dames le pion, Édouard. Quand l'animal a faim, il mange ce qu'il trouve, même si ce n'est pas de ses aliments habituels. Loi naturelle de l'instinct de conservation. En attendant, le feu fait bien l'affaire, dit Édouard. On peut à volonté réduire la chaleur ou l'augmenter. C'est de l'adaptation, ça. Donc de l'évolution. Seulement, nous y arrivons beaucoup plus vite. Après, c'est tout. Voilà. Voilà l'erreur. Ô misérable prétention d'homme que tu es, s'écria oncle Vania. De quel droit accélérer les choses au lieu de te laisser conduire? Tu veux bousculer la nature, mais sois tranquille, elle ne se laissera pas faire. Un jour, tu t'en apercevras. Je vais te dire ce que tu es vraiment en train de faire, Édouard. Des pieds et des mains pour sortir de ta condition. Et cela, outre que c'est vulgaire, petit bourgeois, bassement matérialiste, j'ai le profond regret de t'avertir que c'est dénaturé, rebelle, outrecuidant et sacrilège. L'instinct, ce n'était pas assez bon pour toi, hein? Tu veux l'améliorer? Nous verrons bien où cela va te mener. Un extrait du roman de Roy Lewis, Pourquoi j'ai mangé mon père, lu par Guillaume Gallienne, que vous retrouverez tout à l'heure à 18h dans Ça peut pas faire de mal sur France Inter. Pascal Pic, je vous voyais sourire. Que pense le paléo-anthropologue que vous êtes de ce roman que vous avez lu? Vous avez tout de suite reconnu le texte en entendant la lecture. C'est absolument génial. Et aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'innovation dans nos sociétés, pour les entreprises. Vous voulez connaître le meilleur texte sur l'innovation? C'est celui-là. Ouais. Et le commentaire est extraordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'invention à l'innovation? Parce que Édouard invente, mais on voit Vania est conservateur, ouais. Et on en a besoin. Et donc, le vrai problème des enjeux d'aujourd'hui, c'est comment l'invention de quelques-uns aux entreprises, aux sociétés, vont devenir non pas quelque chose d'anecdotique, mais devenir une adaptation et changer évidemment les sociétés ou les entreprises. Mmh. Et c'est vraiment le meilleur texte. En plus, c'est hyper drôle, c'est génial. Ouais, c'est très drôle avec donc ce regard sur le progrès. Ouais, ouais. Ça se passe évidemment à la préhistoire avec ceux qui ne veulent pas aller vers le progrès et ceux qui veulent tenter l'aventure du progrès. Alors, Sapiens fait partie de cette humanité. Est-ce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Sapiens est le seul être humain à avoir survécu, la seule espèce par rapport à Néandertal? Est-ce que c'était un plus grand innovateur que Néandertal ou Denisova? En général, on dit ça a posteriori, gloire au vainqueur. Ouais. Mais l'adaptation, ce n'est pas que les outils, c'est aussi les usages qu'on en fait, les rapports à l'écologie, aux ressources. Et c'est pas que l'innovation, c'est aussi la manière de concevoir le monde. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important. L'aspect cognitif, les représentations, les imaginaires, c'est les imaginaires qui font que ces innovations techniques participent d'un progrès ou d'une déchéance. Homo sapiens va aller là où aucune autre espèce humaine n'était allée. Il va aller jusqu'en Australie. Mmh. Il va aller en passant par le détroit de Bering en Amérique, et il va aller jusqu'à la pointe sud de l'Amérique du Sud. Alors, pas en une fois, à chaque fois, ce sont, sur une génération, quelques dizaines de kilomètres. Ben, ça va vite, parce qu'en fait, pour les vagues qui passent par le détroit de Bering, d'abord, ils passent pas à pied, ils passent en bateau, parce que, évidemment, le niveau des mers est plus bas. Mais elle est où, l'eau? Elle est dans les glaciers, donc vous passez pas entre l'Alaska et les plaines d'Amérique du Nord. Donc, si on passe en bateau, ça va très très vite. On les a très vite en Californie, et on les a même peut-être déjà à 30 000 ans après la Verde, qui était vraiment le Chili. Mais ceci dit, on est en train de s'apercevoir qu'il y a peut-être eu des passages en bateau directement par le sud du Pacifique, peut-être par les Açores du côté atlantique, et peut-être comme les Vikings au nord. Donc, les études sur l'ADN nous promettent de bonnes surprises. Alors, ce qui est très amusant dans cette affaire-là, c'est que les Américains du Nord, les Yankees, n'ont pas trop envie que ce soit très ancien. Par contre, les Chicanos, c'est au sud. Ouais, si c'est avant, ils sont bien contents. Il y a toujours un petit peu de ça dans ces affaires-là. Mais néanmoins, le peuplement des Amériques est certainement beaucoup plus complexe, surtout en bateau, parce que, en effet, ils naviguent depuis 100 000 ans. Ouais, c'est ça. L'homme maîtrisait la navigation depuis bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Exactement. Alors, évidemment, l'Australie, on peut se dire, oui, c'est gros, on le loue pas, mais je rappelle quand même que l'explorateur qui s'appelait Tasman, qui va donner la Tasmanie, il a découvert la Tasmanie, il est quand même passé à côté de l'Australie, il y a. C'est pour vous dire quand même les dimensions quand même du Pacifique Sud, et puis les îles d'Océanie, comment ils ont fait, quoi. Franchement, c'est pas très grand, ces territoires-là. Donc, il y avait vraiment de vraies connaissances à travers, donc, les étoiles, le vent, les déplacements des animaux, les bancs de poissons, enfin, tout ceci qu'on a l'impression de redécouvrir à la naissance pour nous. Ouais. Alors, vous l'écrivez dans votre livre, Pascal Pic, Sapiens face à Sapiens, c'est la première fois dans l'histoire de la vie qu'une espèce s'installe dans autant de milieux différents sur toute la Terre. Exactement. Il y a une capacité d'adaptation vraiment spécifique. Bah, c'est ce que dit Édouard, tu dépasses tes instincts dans Oncle Vania, et puis donc cette deuxième coévolution, c'est-à-dire qui associe notre biologie avec nos espaces techniques et culturels, est un facteur d'adaptabilité qui n'a jamais été mis en place auparavant. Ça existait chez les autres hommes, le sapiens archaïque y compris, Néandertal et tout ça. Mais là, ça prend une ampleur nouvelle. Et puis ensuite, il va y avoir des changements considérables avec les inventions des agricultures. Et en plus, l'histoire d'une accélération absolument effarante, où là, on innove de plus en plus, bien évidemment. Et alors, quand il arrive quelque part, l'impact d'Homo sapiens sur l'environnement est important, notamment, vous le dites, sur la mégafaune. Exact. En Australie, les kangourous géants disparaissent. Ah oui, en Europe, les mammouths, les rhinocéros laineux. En Amérique, le mastodonte. Tout alors moi en Europe, parce que il va y avoir un recul avec le réchauffement climatique qu'il y a après la dernière glaciation, et les mammouths vont reculer. On sait que leur extrême refuge est dans le nord-est de la Sibérie. Par contre, sur l'Amérique du Nord, et moi j'adore ce film, je vais vous surprendre, c'est L'âge de glace. Ouais. Ce film est absolument génial, parce qu'il montre très bien le contexte où des mégafaunes donc, essayent de trouver des températures plus fraîches parce que ça se réchauffe, et puis on voit un petit peu l'homme qui en filigrane. Charles Darwin déjà s'était posé la question en 1833. Et donc il y a deux événements qui vont toucher les mégafaunes d'Amérique du Nord, qui sont évidemment ce réchauffement, et puis évidemment l'homme qui arrive là-dedans, un prédateur qu'ils ne connaissent pas, parce que l'homme a une façon de chasser qui est très particulière par rapport aux autres prédateurs, il chasse à court, il chasse à l'épuisement, au piège, à la traque, et ces faunes vont disparaître très vite. Ça a été tellement brutal, parce qu'on parle beaucoup d'aujourd'hui de réchauffement climatique, mais il y a un gaz à effet de serre qui s'appelle le méthane, et ces grosses bêtes, ça rote et ça pète, pardonnez-moi, et ça a été mesuré dans les carottes de glace. La fin brutale de ces mégafaunes, c'est une moindre émission de gaz à effet de serre, donc un petit refroidissement qui se mesure d'ailleurs dans les carottes de glace. Donc déjà, l'homme a un impact, il n'en avait pas conscience, mais il a un impact déjà sur les écosystèmes. Voilà, il a un impact terrible sur les écosystèmes, c'est la seule espèce humaine survivante à ce moment-là, seule face à une multitude de risques qu'il a lui-même engendré, exact. Pascal Pic. Et c'est toute la question au cœur de votre ouvrage Sapiens face à Sapiens, c'est jusqu'à quand Sapiens va-t-il résister aux conséquences de son succès? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, cette deuxième coévolution, va faire que par exemple, quand des peuples d'Europe centrale, vers 6 ou 7 000 ans avant Jésus-Christ, enfin plutôt 5 ou 6 000 ans avant Jésus-Christ, décident de boire du lait. Digérer le lait, c'est compliqué. Il faut les gènes et les enzymes qui vont avec. Ce qui veut dire que, culturellement, les choix alimentaires de nos ancêtres ont sélectionné les gènes. C'est-à-dire qu'on avait souvent appris à l'école que, grâce à la culture, l'homme était sorti des lois de l'évolution, sélection naturelle, dérive génétique, sélection sur les maladies infantiles. Ben, faux. Nos cultures sélectionnent des gènes et, aujourd'hui, nos profils génétiques en Europe occidentale sont liés à des mouvements de population, un, des agriculteurs vers 6 000 ans avant Jésus-Christ, deux, vers 4 000 ans de ces peuples agriculteurs. Donc, nos gènes aujourd'hui, nos capacités de résister aux maladies, aux alimentations, font que les cultures ne nous ont jamais fait sortir du processus darwinien au sens large de l'évolution, mais au contraire, on a exercé de, non pas de nouveaux processus, mais des éléments, donc, de sélection. Et surtout, quand je pose la question à un auditoire, qu'est-ce qui fait que les espèces évoluent? Alors, on pense aux catastrophes naturelles, bien sûr. Ok, c'est intervenu. La coévolution que j'évoquais, c'est-à-dire avec les autres espèces. Bien sûr, ça intervient. Et puis, jamais personne ne pense au succès. Et le succès est la raison principale qui nous oblige à nous adapter. Ma génération, je suis un baby boomer, depuis que je suis né, la population mondiale était multipliée par 3. Donc, d'un point de vue darwinien, c'est génial. 8 milliards, super. Donc de toute façon, on n'est pas en danger d'extinction. Simplement, cette évolution extrêmement rapide avec la consommation d'énergie, nos modes de vie de plus en plus urbanisés et nos déplacements font que nous avons multiplié en 50 ans notre empreinte archéologique par 300 à 400 sur la Terre. Et donc il va falloir urgemment s'adapter aux conséquences de nos succès, parce que qu'une espèce a du succès, elle détériore évidemment les conditions dans lesquelles elle a du succès. Et bien cette dynamique de l'évolution n'arrête jamais, c'est alors, ça. Cette dynamique ne s'arrête pas, alors Homo sapiens continue-t-il à évoluer? Avant d'entendre votre réponse, celle du paléoanthropologue John Hawkes. Avec 7 milliards d'humains actuellement sur Terre, nous disposons d'un pool génétique considérable, qui évolue lentement. Des études génétiques ont montré qu'au cours des 2000 dernières années, les yeux bleus sont devenus plus fréquents en Angleterre. C'est un changement culturel qui correspond à une préférence des gens. C'est ce genre de changement qui sera à l'œuvre à l'avenir. Les gens effectueront eux-mêmes leur sélection. Quand on observe l'évolution des populations ces 30 dernières années, on constate que la sélection s'opère en fonction de critères différents selon les pays. Aux Pays-Bas, les hommes sont devenus plus grands. En Gambie, les femmes sont plus grandes. Aux États-Unis, au cours de cette même période, les femmes sont devenues plus petites. Il y a donc des tendances différentes selon les populations. C'est un signe que la diversité est appelée à régner. Le paléo-anthropologue John Hawkes dans un extrait du documentaire « À quoi ressemblera l'homme demain ?» Pascal Pic, vous êtes d'accord avec son analyse ? Pas assez précise, parce que lorsqu'il parle des différences de taille, et je vais revenir sur ma génération, notre patrimoine génétique, si on veut rester chez les Français, il n'a pas changé depuis 50 ans. Et on a gagné 25 ans d'espérance de vie, 10 cm de taille corporelle. Donc dans son discours, c'est ambigu, parce qu'on pourrait croire qu'il y a une sélection sur les gènes. Non, c'est une sélection sur l'expression des gènes, et surtout aujourd'hui, on sait que l'épigénétique, comme vous le savez, intervient aussi, c'est des facteurs d'hérédité. Donc faut pas confondre l'évolution phénotypique, pour être technique, c'est-à-dire de notre corps, et de notre morphologie, de notre physiologie, de nos capacités cognitives, à travers du même patrimoine génétique, et, comme j'évoquais tout à l'heure, les facteurs de sélection sur les gènes, comme pour la consommation du lait. Donc c'est là que c'est pas assez précis. Lui, par exemple, il dit il y a plus de personnes aux yeux bleus en Grande-Bretagne parce que ça fait partie des goûts culturels et donc on fait plus d'enfants, on a plus de chances de se reproduire. C'est la sélection sexuelle, évidemment, qui est un facteur beaucoup plus important qu'on l'imagine, surtout des espèces comme les singes, les grands singes et même les populations humaines. Mais moi, je me rappelle de ma grand-mère qui n'était pas d'anthropologue, qui était une brave paysanne. Elle disait, les yeux marrons, ce que j'ai, et les autres cochons. Elle disait qu'au début du XXe siècle, les yeux bleus étaient beaucoup plus fréquents dans la population française que les yeux marrons. Et les yeux marrons ont augmenté. Donc je suis très content que les yeux marrons puissent me donner un avantage sélectif pour la sexualité, mais j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, comme je vous disais, cette plasticité fait que ça peut changer très vite. Et aujourd'hui, et j'en parle dans le livre, c'est que on a une partie des populations, notamment des plus jeunes, juniors et autres, qui continuent dans la tendance d'amélioration générale qu'a connue ma génération. Par contre, il y a une partie de la population avec cette plasticité qui est en train de décrocher. Obésité, sédentarité, perte de fertilité, perte d'activité physique, féminisation hormonale des jeunes hommes, etc. Donc là, c'est pas homogène. Pascal Pic, avec le recul que vous avez sur la longue histoire de l'humanité, est-ce que vous considérez que les humains sont aujourd'hui à un tournant de leur histoire ou est-ce que c'est un effet déformant ? On a toujours l'impression qu'on vit une période extraordinaire. Oui, elle l'est, parce que sur la fécondité, ce n'est pas pour rien qu'on a beaucoup de discussions aujourd'hui autour de PMA, GPA, etc. Il est très clair qu'on va certainement aller vers des sociétés où c'est déjà engagé, hein, le philosophe Peter Sutterjack en parle très bien, où les questions de filiation, de parenté qu'on connaît déjà vont complètement changer. C'est une révolution anthropologique majeure. Un des éléments qui n'est pas évoqué assez souvent, et on le comprend bien, on a une crainte avec l'échéance de 9-10 milliards d'individus à l'horizon 2050. Le problème, c'est après. On va avoir un effondrement démographique. Quel sera le devenir de Sapiens ? Sapiens ne va pas disparaître, c'était dit. 8 milliards, on a un pool génétique absolument extraordinaire. La vraie question est de savoir quelles sont les populations qui traverseront les enjeux de demain, parce qu'avec les pollutions, les détériorations des écosystèmes, la majorité de l'humanité qui est urbanisée, là aussi, ça change beaucoup de choses. Bien malin qui pourrait dire ce qui va se passer, mais il est très clair que nous allons connaître des changements extrêmement rapides. Sapiens ne disparaîtra pas, mais la vraie question est de savoir quelles sont les populations, quel sera leur nombre et dans quel état. Sapiens face à Sapiens, la splendide et tragique histoire de l'humanité. Tel est le titre de votre dernier livre, Pascal Pic, paru chez Flammarion. Un grand merci à vous, Pascal Pic. Merci à vous. Et dans un instant, nous allons faire face au serpent avec une spécialiste des reptiles, Françoise Sercollet. C'était Sheryl Crow, All I Wanna Do sur France Inter et la programmation musicale du Vent dans les Synapses. C'est signé Muriel Pérez. France Inter. Du Vent dans les Synapses. Aie confiance, oui, crois en moi. Que je puisse. Tu dors, petit ? Oui. La chanson hypnotique du serpent K dans le livre de la jungle. Bonjour Françoise Sercollet. Bonjour à tous. Vous êtes herpétologue, spécialiste des reptiles et des amphibiens et vous venez de publier Légende de serpent aux éditions Delachaux et Niesley. On vient d'en avoir un exemple avec le livre de la jungle. Les serpents ont rarement le beau rôle, en tout cas dans notre culture. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que depuis plus de 2000 ans, ils sont haï, notamment par notre religion judéo-chrétienne. Et pourquoi ? Parce que le serpent, il a forcé, poussé Ève à manger cette satanée pomme. Mmh. Et depuis, on aurait perdu donc le paradis originel. Et nous, les femmes, on accouche dans la douleur à cause d'un serpent. Alors, comment aimer ces bestioles ? C'est le cas dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, cette image négative des serpents ? Ah non, non, non, non. Vous allez en Asie, par exemple, donc en Inde, où là, c'est carrément différent. Parce que le serpent, lui, il a sauvé un jour la vie de Bouddha. Bouddha s'était endormi en plein soleil, ou sous la pluie, hein, ça dépend des versions. Et puis, le serpent, donc le cobra, voyant que Bouddha risquait une insolation, est arrivé et a déployé son capuchon au-dessus de la tête de Bouddha pour lui faire un parasol. Et quand Bouddha s'est réveillé et qu'il a vu que le serpent venait de lui sauver la vie, et ben pour le remercier, il a posé ses deux doigts derrière son capuchon. Et ce que nous, occidentaux, on appelle le fameux serpent à lunettes, et ben ce sont pas des lunettes, mais des doigts de Bouddha. Mmh. Chez les Chinois, le serpent façonne les premiers humains dans l'argile. Chez les Aztèques aussi, il fait des ponts cosmiques, hein, c'est ce que vous racontez. Chez les Grecs anciens aussi, la bête était vénérée. Ah ben oui, parce que il faut dire aussi que le dieu de la médecine, donc Asclépios, le fruit d'amour entre Coronis et Apollon, c'est le dieu donc de la médecine, et donc lui, il était lié au serpent. Et d'ailleurs, chez les latins, on l'appelle Esculape, comme notre couleuvre. D'où est né donc le fameux caducé des serpents, parce que le serpent, notamment, est lié à l'immortalité. Parce que vous savez, il fait plein de mues. Et donc, cette mue est synonyme du malade qui recouvre la santé et de l'immortalité, tout simplement. Alors, encore aujourd'hui, les serpents font l'objet d'idées fausses et de rumeurs relayées par Internet, notamment. Quelques idées reçues sur les serpents. D'abord, visqueux. On dit souvent que ces bêtes sont visqueuses. C'est pas le cas ? Ah non, je dirais que c'est complètement sec, un serpent. Ça a des écailles pratiquement soudées les unes aux autres. Ça n'a pas de glandes sudoripares. Donc c'est complètement sec, un serpent. Mmh. Et l'idée du serpent hypnotiseur que l'on avait avec le serpent K du livre de la jungle. À chaque fois, j'y ai droit. Ouais. À chaque fois que je fais une émission de radio, j'ai toujours K. Ouais. Donc, confiance. Et ça, c'est dû donc au fait que les serpents n'ont pas de paupières. Donc on a vraiment l'impression qu'ils ont un regard fixe. Mmh. Et c'est vrai que c'est né aussi d'une observation tronquée, à savoir qu'une vipère, par exemple, quand elle chasse, elle va chasser donc à l'affût, donc elle attend que la proie passe à sa portée. Elle attaque, elle mord, elle injecte son venin, elle relâche et la souris va mourir un petit peu plus loin et elle est prise de convulsions. Et du coup, le serpent, lui, il bouge pas. Il attend que la proie soit morte, puis après, avec la langue, il va la rechercher. Il suffit qu'un individu arrive au moment où, en ayant loupé finalement la première phase, à savoir la morsure et l'injection de venin. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir le serpent qui bouge pas, la souris un peu plus loin qui est prise de convulsions. Et là, qu'est-ce qu'il va se dire ? Ben, il va se dire, voilà, le serpent, il a tué du regard la souris, et alors qu'il a loupé un bout, quoi. Voilà une explication. Et on entend aussi dire, parfois, on raconte que les vipères têteraient le lait au pied des vaches. Ça, c'est une rumeur absolue. Ah, Ah, alors ça, c'est quelque chose qu'on entend encore. Figurez-vous, dans nos campagnes, que les vipères rentrent dans les étables pour aller téter le pis de la vache, jusqu'à même tarir la vache. Ouais. On raconte même que les mouches qui se posent sur la vache, elles en meurent. Ouais. Donc c'est pour vous dire que ça va vraiment très très loin. Pourquoi le lait, finalement, avec cette association donc du lait avec le serpent? Alors, il y a plusieurs explications. Déjà, la plupart du temps, c'est vrai que les serpents qui rentrent dans les étables ne rentrent pas pour le lait, hein, ils n'en ont rien à faire, ce ne sont pas des mammifères. Donc ils rentrent là, pourquoi ? Parce que déjà, un, il fait chaud. De plus, la plupart du temps, ce sont des couleuvres qui rentrent. Et elles rentrent pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de fumier. Et dans ces tas de fumier, ben, ça fait des nids extraordinaires pour leurs œufs. Donc elles viennent pondre dans ces endroits-là. Et qu'est-ce qui arrive malheureusement à un serpent quand il rentre dans une étable ? Eh ben, il se prend un coup de pelle, un coup de fourche, il se fait éclater. Et du coup, qu'est-ce qui va sortir notamment du corps du serpent ? Et comme les serpents n'ont pas de vessie, ce qui va sortir, ça va être un mélange d'urée et d'excréments, et c'est blanchâtre. Et voilà. Donc ça rappelle le lait, et en plus, les œufs des serpents sont blancs. Alors pour revenir à cette idée qu'on les accueille parfois à coups de pelle, qu'on les éclate, comme vous avez dit, pour reprendre vos mots, il faut préciser qu'aujourd'hui, en France, les serpents sont protégés. Hein, on n'a pas le droit de faire ça. Eh oui, les serpents sont protégés et donc on n'a pas le droit de les tuer, on n'a pas le droit de les déplacer. Bref, vous avez le droit de rien faire. Si on a des serpents, des vipères au fond de son jardin, on n'y touche pas ? Ah ben, de toute façon, j'ai encore jamais vu un serpent vous cavaler derrière pour essayer de vous mordre. Donc ça fait partie encore des fantasmes de l'homme vis-à-vis des serpents et lié à la peur, hein, né de la peur. Donc, si vous avez des serpents chez vous, ben, pour moi, c'est une chance, déjà. Ouais. Parce que ça reste dangereux, quand même, alors, un serpent. Oui, c'est potentiellement dangereux. Mais franchement, les vipères dans notre pays, elles font moins de morts, par exemple, que les chiens, ou encore moins les vaches. Et pourtant, la vache qui rit, elle a quand même une belle connotation positive. Mmh. Alors que la vipère, ça fait déjà plusieurs années qu'on n'a pas eu de morts. Heureusement. Et vraiment, les vipères, chez nous, ce sont des animaux très placides. Donc, pour se faire mordre, il faut vraiment en vouloir, à savoir ou aller alors, les enquiquiner. Pas avoir de chance du tout si on marche malencontreusement sur une vipère. C'est ça. Mais, et encore, même si vous marchez dessus, il faut savoir qu'une morsure n'est pas suivie obligatoirement d'une envenimation, que le serpent peut vous mordre et ne rien vous injecter du tout. C'est lui qui choisit, donc vous voyez, ce n'est pas du tout un automatisme de sa part. Il choisit en fonction de quoi ? Par exemple, si c'est une grosse femelle gravide qui attend des bébés, etc., elle va vraiment être dans la défensive, et là, effectivement, elle peut envenimer. Parce qu'elle ne mange pas quand elles sont gravides. Un dernier mot, les serpents ont leur place hein, dans l'écosystème. En quoi il faut qu'ils restent parmi nous ? Alors déjà, parce qu'ils font partie de notre écosystème, ça fait partie de la biodiversité, et puis maintenant, on nous rabâche la biodiversité à fond de train. Donc ça, c'est la première chose, parce qu'ils ont leur rôle de régulateur, etc. Donc à tenir dans la nature. Et en plus de ça, je pense qu'on peut aussi se poser la question de qui sommes-nous, nous les humains, à se donner le droit de vie ou de mort sur une espèce telle qu'elle soit. Pour se réconcilier avec les serpents, on peut aussi lire les légendes positives dont ils font l'objet dans les autres cultures. Légendes de serpents que vous signez, Françoise Sercollet, aux éditions Delachaux et Niesley. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à samedi prochain pour de nouvelles découvertes.